Libre-Échange, Sylvain Blondin. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de notre magazine hebdomadaire de la santé Libre-Échange. Nous avons eu l'occasion, au travers de toutes les émissions, de parler de pas mal de sujets, mais il y a un sujet que je n'ai jamais abordé directement, si je puis dire, c'est celui de l'allaitement. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'allaitement, et pour ce faire, nous allons avoir plusieurs personnes qui vont intervenir. La première personne, c'est Madame Sophie Chevalier de l'association qui s'appelle la Ligue Lecce Ligue France et qui va nous présenter ce qu'est cette association. Madame Sophie Chevalier, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes la présidente de l'association La Lecce Ligue de France, mais aussi vous avez des activités au sein de cette association au niveau européen. Justement, vous venez de rentrer de congrès, de conférences, et vous allez nous expliquer un petit peu tout cela. Alors, la Lecce Ligue France, comment s'organise cette association? Présentez-nous, s'il vous plaît, cette association. Donc l'association La Lecce Ligue France est une association qui fait partie de la Lecce Ligue internationale, qui est née en 1956 aux États-Unis. Et en France, la Lecce Ligue France a commencé à proposer des réunions en 1979. Donc ça fait déjà une belle période d'existence sur le sol français. Nous sommes 340 animatrices à proposer information et soutien aux mamans qui viennent vers nous et qui ont besoin de soutien parce qu'elles vivent l'allaitement maternel ou parce qu'elles attendent un bébé, elles se posent des questions sur l'allaitement. Et donc on est organisé avec des groupes, on a 150 groupes sur tout le territoire français et qui répondent aux besoins spécifiques des mamans. Donc je peux dire un petit peu comment se passe une réunion. Les mamans se retrouvent à une douzaine, peut-être des fois un peu moins dans certaines régions, mais en moyenne 10-12 mamans qui viennent et qui échangent autour du thème de l'allaitement choisi par l'animatrice tel mois. Donc voilà comment ça se passe. Et toutes les mamans sont les bienvenues, quelle que soit leur histoire, quel que soit le projet qu'elles ont pour allaiter ce bébé qu'elles attendent ou ce bébé qu'elles ont déjà. Alors, ça c'est pour les réunions, et j'insiste pour dire que vraiment les réunions c'est un petit peu le point central de notre association. C'est là où les mamans ressentent vraiment tout le soutien dont elles ont besoin. C'est un soutien de maman à maman. Alors, je vais parler aussi là du site internet, parce qu'on vous retrouve sur le site internet www.llfrance.org, sur lequel il y a beaucoup d'informations pour mieux vous connaître. Il y a des informations générales pour les réunions, les actions que vous menez. Il y a également une boutique, mais aussi au niveau national, les personnes qui aimeraient avoir trouvé sur leur département une animatrice, eh bien, il y a les coordonnées. Vraiment, c'est un site très explicite, et j'ai vu aussi qu'il y a une écoute en direct tous les jours. Oui, c'est bien ça. Ce site, les mamans disent que c'est une mine d'or parce qu'elles trouvent toutes les informations nécessaires. Alors, ça sert aux mamans qui ont un bébé ou qui attendent un bébé, mais ça sert aussi beaucoup aux professionnels de santé et aux étudiants qui préparent des fois une thèse, un mémoire. On vient chercher sur notre site beaucoup beaucoup de documents, beaucoup de d'informations sur tel et tel sujet. Et il faut savoir que notre site rencontre un tel succès que l'on compte environ 11 000 visiteurs chaque jour. Donc c'est l'équivalent d'un grand supermarché en France. Donc on est vraiment très très fiers de l'usage fait de notre site, et ça rend vraiment service aux personnes qui soient à l'aide, soit qui ont de l'intérêt pour l'allaitement maternel. Alors justement, au sein de l'association La Leche League France, comment faisons-nous pour devenir, devenir membre? Est-ce qu'on doit payer une cotisation? Comment ça se passe-t-il? Alors, moi, cette votre question est très très intéressante parce que ça me permet d'expliquer le fonctionnement de notre association. On repose, notre association repose sur le bénévolat de ses animatrices, c'est-à-dire les 340 animatrices, dont moi, la présidente, je suis leur représentante. Nous sommes toutes bénévoles. Tout ce qu'on propose, c'est du bénévolat. La gestion de notre site, par exemple, c'est du bénévolat. Animer des réunions, c'est du bénévolat. Répondre aux mamans au téléphone, c'est du bénévolat. Et l'autre pilier de notre association, c'est justement le soutien des membres par des dons, des cotisations ou du mécénat. On est une association reconnue d'intérêt général, donc on donne un reçu fiscal à un membre qui verse une cotisation ou qui verse un don ou à un mécène. Et ça nous permet d'être complètement indépendante et de ne pas avoir de conflit d'intérêts. Donc c'est vraiment, la Leche League, elle vit, la Leche League France, elle vit et elle existe en France grâce à tous les usagers qui, depuis 1979 en France, ont fait des dons ou ont fait des cotisations. Donc si vous voulez nous soutenir, vous allez sur notre site, donc www.llfrance.org, et vous avez un petit onglet cotiser. Et là, vous pouvez soit verser un don, soit verser le prix d'une cotisation. Vous pouvez choisir un groupe en France, parce qu'il y a un petit onglet qui permet de voir défiler tous les noms des groupes ou tous les services de la Leche League France, et vous donner à qui vous voulez. Voilà, et vous avez toujours un reçu fiscal en retour. Alors dans l'introduction, justement, dans la présentation, je disais que vous êtes présidente donc de l'association La Leche League de France, mais aussi, là vous rentrez de congrès, vous êtes souvent aux extérieurs, à l'étranger, et au niveau européen également. Alors justement, vous rentrez de congrès, quels sont ces échanges au niveau des congrès? Alors là, moi, je rentre du symposium européen de la Leche League. Donc c'est pas un congrès. Nous étions à Berlin et nous étions en conseil d'administration de la Leche League Europe et suivait ce symposium où on s'est retrouvés à 150 animatrices d'animatrices venant beaucoup d'Europe, mais aussi nous avions des animatrices venant des cinq continents. Donc c'était vraiment un symposium international, et on se retrouve pour se soutenir mutuellement les unes les autres. Nous en France, on est une grosse, on appelle ça une AREA, hein, une association. Notre association en Europe, c'est la plus grosse au niveau européen, mais il faut savoir que dans des petits pays européen, la Leche League est en train de se développer, mais dans ces pays, on a deux, trois animatrices seulement. Donc c'est vraiment tout petit. Et donc on apporte du soutien, on leur apporte des informations, on leur montre comment se développer, et c'est vraiment très, très, très enrichissant pour elles et pour nous aussi. Vraiment, c'est vraiment un échange mutuel. La Leche League, ça fonctionne comme une espèce de toile d'araignée. Il y a toujours des échanges interdépartement, interpays, c'est vraiment très très intéressant comme fonctionnement et vraiment c'est tout plein de bénéfices pour nos usagers ensuite. Oui, en fait, donc vous êtes un réseau. Alors la question qui me vient à l'esprit, bon, en fait, la naissance, la natalité et l'allaitement, c'est assez universel, mais les préoccupations, je vais dire, et le questionnement qu'il y a en France, est-ce que c'est un questionnement aussi universel ? Les attentes sont-elles à l'étranger les mêmes ? Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment universel. Et c'est là où quand on se rend compte avec des animatrices qui viennent de tous les pays du monde, on a les mêmes questionnements, les mêmes interrogations, la même envie de faire bouger des choses dans nos pays. Donc, on se retrouve vraiment dans nos besoins. Oui. Dans vos attentes, dans les attentes, je veux dire, des mamans et des familles, je veux dire, parce que on l'a vu aussi au travers de différentes présentations que s'impliquent aussi les papas. Est-ce que moi je pense aux pays de l'Est, là où je vais assez souvent, je parle par exemple l'Ukraine, ces pays-là, est-ce qu'il y a une demande qui est en train de se développer, surtout que c'est des pays qui sont actuellement en situation de conflit, de guerre, ou plus largement par exemple sous la Russie ou d'autres régions, mais prenons l'exemple de l'Ukraine. Est-ce qu'il y a une demande ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se crée dans ces pays-là ? Ah oui, très, très, très, très fortement, il y a un grand développement. Alors moi, je prends l'exemple de la Chine, puisqu'il y avait cet exemple-là qui nous a été donné au symposium. Il y a une animatrice chinoise qui, lors de sa première réunion, elle a accueilli 100 mamans. Ah oui, effectivement. Alors que nous, on dit que pour une bonne réunion, une douzaine de mamans, c'est bien pour qu'il y ait des échanges intéressants, que ça soit facile à gérer et tout ça. Et elles, 100 mamans sont venues, première réunion. Voilà. Et une animatrice de Bulgarie, la première réunion qu'elle a animée, alors qu'elle a appris vraiment elle a appris à devenir animatrice sans avoir été à une réunion. Donc elle a appris en échangeant par mail avec des animatrices, par vidéo, tout ça. Et la première réunion qu'elle a fait en Bulgarie, elle a accueilli 20 mamans. Ah oui, 20 mamans, voilà, première réunion, 20 mamans. Donc il y a vraiment une demande. Et au niveau de l'Europe, très très solidaire de ces pays de l'Europe de l'Est qui au niveau de l'allaitement maternel partent de vraiment très très loin et il y a une demande justement des mamans qui ont envie elles aussi d'allaiter. Donc voilà, ça on voit ces pays qui émergent au sein de la Leche League. Oui, ils sont en demande. Mais parce que, moi, à mon esprit, hein, je pense que ces pays-là sont quand même beaucoup plus traditionnels, c'est-à-dire qu'ils sont quand même plus sensibilisés par l'allaitement direct, que la maman, justement, pratique l'allaitement, au lieu d'avoir recours à une nourriture, je veux dire, à des aliments, à du lait artificiel. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, moi, j'ai vu plutôt le contraire, hein, et j'ai entendu le contraire dans les témoignages où, après la politique du communisme, l'allaitement était vraiment très très bas. Et les mamans nourrissaient leurs bébés avec du lait industriel. Oui, alors est-ce que ce sera un phénomène aussi, on en parlait dans les échanges, le côté les femmes des pays de l'Est travaillent quand même par rapport à nos pays, je veux dire, occidentalisés depuis plus longtemps, je veux dire, dans l'industrie, elles sont plus esselées. Les problèmes de famille sont quand même assez différents. Et justement, ces problèmes ne sont-ils pas vecteurs de cette diminution d'allaitement maternel? Ah oui, c'est la raison invoquée. Oui. C'est-à-dire que le bébé était laissé à garder, oui, à la famille, et donc il était nourri autrement qu'avec le lait de sa maman. Et là, actuellement, il y a un phénomène, le phénomène est en train de s'inverser et les mamans qui vivent dans ces pays ont envie d'allaiter et ont besoin de soutien, ont besoin d'informations et c'est ce que la Leche League leur apporte. Leur apporte et leur prodigue. Voilà donc ce qu'il en est de cette association qui vient d'être présentée par sa présidente. Nous allons continuer nos interviews avec celle de Marilyn. Alors Marilyn, elle est animatrice de réseau. Elle va nous expliquer comment cela se passe-t-il au quotidien et l'organisation sur le terrain. Marilyn, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes animatrice au sein du réseau de l'association la Leche League. Alors, quelle est votre activité au sein de cette association ? Alors, je suis animatrice au sein de cette association pour soutenir les mères qui allaitent. Et c'est du soutien de mère à mère. Alors, les animatrices, elles donnent des réunions qui se font mensuellement. Les mères viennent et on discute sur un thème donné. Et on se soutient, on parle d'allaitement, de maternage par l'allaitement. Et ça se fait tous les mois. D'accord. Mais les thèmes sont différents. Il y a pas, je pense, vous parlez de l'allaitement, c'est, si je peux dire, votre sujet principal de réunion, mais tout ce qui va autour, parce que je pense qu'il y a aussi à la diététique, l'alimentation. Quels sont les autres thèmes ? Les thèmes, c'est tout ce qui est autour de l'allaitement, c'est-à-dire, par exemple, débuter l'allaitement, ça c'est un thème. D'accord. Par exemple, la diversification, ça c'est un autre thème. Ou la reprise du travail, la mère qui reprend son travail, ça c'est un autre thème. Mais bon, c'est pas systématique, on donne des thèmes, après les mères parlent de ce qu'elles ont envie sur le moment, de ce qu'elles vivent actuellement, de ce qu'elles ont vécu, voilà. Alors, on donne un thème, après les mères elles discutent de ce qu'elles veulent. Alors en général, ce sont des groupes, on l'a dans la santé, ce qu'on appelle le TP, c'est donc l'éducation thérapeutique des patients qui est un peu dans le même principe, c'est-à-dire que les uns les autres patients échangent avec les professionnels de la santé, mais là on est sur le même principe. Donc ce sont des réunions, en général il y a combien de personnes ? Elles se font chez une maman particulière ? Comment ça s'organise ? C'est variable. Ça dépend de leur disponibilité. Enfin, ça dépend de plein de choses. Hein. Ce sont pas des réunions, c'est pas obligatoire. Hein. Elles viennent quand elles le peuvent, si elles le veulent aussi. Et le fait de rencontrer d'autres mères qui allaitent aussi, ça booste. Ça leur fait du bien et elles apprennent de l'autre. Voilà. Et ces réunions, ça permet aussi de qu'elles prennent confiance en elles. Allô ? Oui, je vous écoute. Ça leur permet de donner confiance en elles-mêmes. Oui, le fait de rencontrer d'autres mères qui allaitent, ça les aide. Hein, elles se donnent des témoignages l'une à l'autre et ça les aide beaucoup pour avancer. Alors, quel est le profil, je vais dire, des mamans ? Est-ce, en général, je pense, enfin moi, personnellement, en tant que papa, je vais dire, et extérieur, je pense que c'est peut-être pour la première naissance qu'elles viennent chercher peut-être la sécurité, le réconfort. Alors, elles viennent chercher de l'information, beaucoup d'informations. Et souvent, les mamans viennent enceintes. Donc déjà, avant, donc il y a un contact qui se fait avant et pendant la grossesse. Après, avec la naissance, les papas sont les bienvenus aussi. Donc, et c'est même super quand on a des papas. Voilà, il y a des femmes qui viennent, des mères qui viennent avant la naissance, après, et puis voilà, elles font leur petit bout de chemin comme ça. Alors, vous voyez, c'est assez variable. Il n'y a pas de mère type. Voilà, c'est assez variable. Il y en a qui viennent après 3 mois. Il y en a qui viennent enceintes. Il y en a qui viennent plus tard. Enfin, voilà, c'est variable. Est-ce que vous avez aussi des mamans qui ont eu une ou deux autres grossesses, plusieurs grossesses, et qui viennent au sein de l'association la Leche League ? Bien sûr. Elles viennent avec la fratrie. le premier, le deuxième enfant, elles viennent. Et puis, bon, elles se retrouvent enceintes, troisième grossesse, ben, elles viennent aussi. Oui, oui, bien sûr. Et alors, au niveau de des thèmes que vous allez aborder au départ, quand vous mettez un thème, c'est un thème que vous voyez lors de la réunion en disant, tiens, la prochaine fois, on va aborder tel thème, tel sujet. Comment cela se passe-t-il ? Pas forcément. Il y a un thème qui est quand même assez, qui est défini à l'avance. Après, comme je vous dis, c'est pour donner une dynamique. Mais bien souvent, on ne parle pas forcément du thème, parce que pendant les réunions, on peut avoir tout type de profil, c'est-à-dire la maman qui voudrait avoir des renseignements sur la reprise du travail, et on peut avoir une maman qui débute un allaitement. Voilà, donc on parle vraiment, on donne un thème, mais ce n'est pas forcément le thème-là qu'on va parler. Alors, sur le site internet www.lllfrance.org, nous retrouvons un ensemble d'informations. Et notamment, il y a, un espace avec la carte de France, avec les départements, avec les coordonnées des animatrices. Donc, vous avez vos coordonnées. Comment ça se passe-t-il ? C'est-à-dire que les personnes, vous avez une activité professionnelle, hein, bien évidemment, mais les personnes, elles vous contactent un peu tous les jours, comment cela se passe-t-il ? Alors, effectivement, donc je suis référencée donc sur le site et elles cliquent sur le département où elles habitent et elles voient s'il y a une animatrice ou pas. Et donc effectivement, moi j'ai mes coordonnées téléphoniques et adresse postale et du coup elles peuvent me téléphoner. Alors elles me téléphonent la journée, hein, elles peuvent me laisser un message. Bien souvent je rappelle et puis ça se fait comme ça, quoi. Donc, il n'y a pas d'horaire. Hein. Elles me téléphonent quand elles le veulent. Ou alors, elles peuvent m'envoyer aussi un mail. Est-ce que, au niveau... quelles ont été vos motivations, si je peux dire, vous, de rejoindre l'association et de devenir animatrice ? Alors, j'ai trois enfants. Mes deux filles m'ont motivée. Donc, j'ai été donc effectivement à une réunion. Et voilà, pour avoir des informations, parce que mon premier allaitement s'est très mal passé, donc je voulais réussir, donc du coup, j'ai été à des réunions, je me suis renseignée beaucoup, beaucoup, beaucoup, j'étais beaucoup à beaucoup de réunions, j'ai beaucoup lu aussi, voilà, je me suis rapprochée de l'association, et puis après j'avais envie de venir animatrice pour aider à mon tour, hein, et soutenir les mères qui souhaitent allaiter, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience ? Vous dites justement que vous avez un premier allaitement qui s'était mal passé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais pas informée. Bon, c'était pour... J'ai trois enfants, donc j'ai un grand garçon qui a 22 ans. Et j'avais un désir profond d'allaiter, mais hélas, j'avais pas les informations à l'époque que j'ai aujourd'hui. Okay. Et donc, du coup, ça a pas marché. Et après la naissance de mes deux filles qui ont 10 ans, j'avais envie de vraiment m'informer et réussir mon allaitement. Et donc je me suis rapprochée de l'association et voilà, de fil en aiguille, j'ai appris plein de choses et du coup j'ai voulu devenir animatrice pour aider à mon tour, transmettre. Alors il faut dire que ce sont des actions que vous menez totalement bénévolement. Oui, bien sûr. C'est ça. Et derrière, est-ce qu'il y a, au niveau pédagogique, je veux dire, une formation initiale que vous avez reçue ? Bien sûr, oui. J'ai eu une formation, effectivement, hein, pour l'aspect technique. Hein. Apprendre un peu les techniques, et puis un peu la physiologie, un peu apprendre tout ça. Donc oui, effectivement, j'ai eu une formation dispensée par LLL. Et elle dure combien de temps, cette formation ? Alors, ça dépend. C'est au rythme de la personne. Il y en a qui mettent 6 mois, il y en a qui mettent 1 an, il y en a qui mettent 2 ans. Ça dépend. Donc, c'est vraiment au rythme, parce que, voilà, on a tous... C'est du bénévolat, quand même. Hein, on a nos activités à côté. Donc, on fait en fonction... on avance en fonction de notre rythme. Bien. Bien sûr. Et donc, il y a dans cette formation, il y a l'aspect technique, il y a l'aspect, vous disiez aussi, parler de l'anatomie. Est-ce qu'il y a un aspect aussi juridique ? Quels sont les principaux, on va dire, grands aspects, les grandes matières traitées ? Aspect juridique, non. Non, on n'a pas vu cet aspect juridique. C'est du soutien, c'est de l'information. L'aspect physiologique, oui, mais l'aspect juridique, non. Alors maintenant, les personnes qui vous appellent pour la première fois, si on devait faire un petit peu, on va dire un profil, donc c'est, vous dites, tout à l'heure vous disiez il n'y a pas de profil particulier, mais en général c'est peut-être pour une première grossesse, un premier allaitement, et est-ce que c'est l'inquiétude, vais-je dire derrière, la peur d'être maladroit, la peur de l'inconnu de l'allaitement qui font à ce que ces personnes vous appellent? Quelles sont les motivations? Elles ont peur, souvent. Elles pensent faire mal. Elles ont besoin souvent d'être rassurées. Parce que bon, c'est pas en soi, en fait. Et elles ont peur, oui, effectivement, de faire mal, ou j'ai pas assez de lait, ou mon enfant pleure, ou voilà. Donc elles ont besoin énormément d'être rassurées. Parce qu'au bout du compte, à la fin, elles y arrivent. Bien sûr, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez, je vais dire, naturel. Bon, aussi avec l'évolution de la société, parce que avant, ça se transmettait, c'était un savoir qui se transmettait entre les grands-parents, parents, enfants, qui aujourd'hui, avec l'isolement, la société, tout ça, je pense que ça se perd. Oui, ça se perd. Non, néanmoins, ça revient tout doucement, on va dire, tout doucement. On n'est pas très très bons élèves en France, mais ça revient tout doucement quand même. Mais c'est vrai que ça va pas de soi quand même. Hein, les femmes, elles ont pas forcément vu leur mère, leur grand-mère allaiter. Donc forcément, on ne sait plus. Et donc, quand on les soutient et qu'on leur fait qu'elles prennent confiance en elles, elles y arrivent avec de l'information aussi. Beaucoup d'informations. Aujourd'hui, au niveau de la sollicitation et d'un point de vue général, est-ce qu'il y a de plus en plus de mamans qui sont sensibilisées, et de papas, bien évidemment, sensibilisées par l'importance, l'intérêt de l'allaitement, et qui reviennent à des choses beaucoup plus naturelles? Oui. Les femmes reviennent plus à l'essentiel, des choses vraiment naturelles, exactement. Oui, de plus en plus. Et même les papas, ils s'impliquent de plus en plus. Et les jeunes papas aussi. La jeune génération, effectivement. Et quelles sont justement les motivations, vais-je dire, pour revenir à ces valeurs, je veux dire, traditionnelles, hein, parce que c'est quelque chose, c'est une tendance, et qui est quand même très importante, hein, on le verra d'un point de vue, je veux dire, physiologique pour l'enfant. Bon, ça, c'est un autre aspect qu'on pourra traiter. Mais donc, quelles sont les motivations? Est-ce la facilité de plus faire les biberons, bon, avec les contraintes de l'allaitement, mais l'alimentation, quelles sont les principales motivations que vous transmettent et que vous disent les personnes? C'est un capital santé. Elles savent que c'est donner un capital santé, l'allaitement. Donc, ça, elles le savent aussi. Après, c'est aussi question pratique. Hein. Parce que, bon, il n'y a plus les biberons à faire, à stériliser les biberons, tout ça. Côté pratique et la santé. Souvent, c'est ça. Qui revient pourquoi je veux. Et puis un désir profond aussi. Hein, c'est un désir d'allaiter son bébé, d'être proche de son bébé. Même si elles savent que c'est un capital santé qu'elles donnent, elles ont besoin d'être proches de leur bébé. De retrouver cette proximité. Ces sensations, certainement aussi. Ces sensations d'allaitement, ce besoin d'allaiter, cette sensation, parce que il y a quand même, je veux dire, une sensation, il y a un certain bien-être, un certain confort, il y a des émotions qui s'échangent. Exactement. C'est pas que nourriture, hein, l'allaitement. Il y a plein d'autres choses qui se créent. Maintenant, on commence à le comprendre, hein, avec les études qui se font. Voilà, mais il y a plein de choses autour de l'allaitement. Et ces femmes, ces mères, elles ont besoin de se connecter à leur bébé. Et ça passe par l'allaitement. Au-delà de la santé que ça peut apporter et du bien-être, effectivement. Alors justement, vous, en tant que maman qui avait allaité, est-ce que vous pourriez nous exprimer justement un petit peu ce ressenti, ces émotions, ces échanges qui se passent? Bah, c'est une connexion qui se fait, en fait. Comment vous expliquer? simplement. C'est difficile à mettre des mots parce que c'est une émotion, c'est quelque chose, être avec son bébé, on est connecté, on se regarde, il y a quelque chose qui se passe. Comment vous dire avec des mots? C'est pas facile. Il y a quelque chose qui se passe, qui se crée entre son bébé et la maman. Et donc, c'est hyper important. Hyper important. Et on avance. En fait, la maman, elle avance avec son bébé. Elle grandit avec son bébé. Voilà. Et en même temps, elle développe des compétences parentales. Pour vous, vous avez allaité combien de temps, Marilyn? Alors, bon, je ne vais pas trop dire combien de temps j'ai allaité. Un certain temps, on va dire. D'accord, un certain temps. Ça reste quelque chose de personnel. Voilà, chaque mère, parce que c'est pas une compétition. Voilà, c'est chaque mère fait comme elle le ressent. Alors, comment, on va dire, ce temps d'allaitement que vous avez défini, comment s'est-il défini? Est-ce qu'avant, vous avez dit, pendant, par rapport à mes activités professionnelles, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de contraintes professionnelles, familiales, entre autres. Donc, est-ce que vous l'avez défini en amont, avant, en disant, je vais allaiter pendant 6 mois, 3 mois, 1 an, X temps, ou est-ce que vous avez dit, on verra au fur et à mesure, à un moment, quand je dirai, maintenant, c'est suffisant, comment ça s'est passé? Personnellement, je me suis dit, on verra. Après, il y a des mères en réunion qui se disent, moi je vais allaiter 3 mois. Ok, 3 mois se passent, ça marche bien, je continue. 4 mois. Ça marche encore bien, allez, 6 mois. Il y a des mères qui allaitent, un certain temps. Il y en a qui se donnent des dates, 3 mois, 6 mois. Et il y en a d'autres, on verra bien. Me concernant, je ne me suis pas mis de date. J'ai dit on verra. Nous arrivons à la fin de cette première partie d'émission. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse une petite pause musicale et on va se retrouver juste après ceci. Nous sommes de retour sur le plateau de notre magazine de la santé Libre-Échange et nous allons continuer la présentation de cette association qui est celle de la Lecce League France avec l'interview de Madame Claude Didier-Jean Jouveau qui est également écrivain. Elle a rédigé beaucoup d'ouvrages, en particulier sur l'allaitement et elle va nous expliquer un petit peu cela. Madame Claude Didier-Jean Jouveau, bonjour. Bonjour. Vous avez plusieurs activités au sein de l'association la Lecce League France. La première de cette activité, c'est la partie, communication, relations presse. Vous pouvez nous en parler? Oui, comme on le fait en ce moment, je réponds à toutes les demandes de journalistes, que ce soit la presse écrite, la presse, la radio, la télévision, qui veulent faire des sujets, soit sur l'allaitement, soit sur la Lecce League, soit sur les deux. Donc je fournis toute la documentation nécessaire pour alimenter ces articles ou ces émissions. Alors, il y a également, vous alimentez le site internet qui est très intéressant, où on retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. J'invite nos auditrices et nos auditeurs à y aller, qui est www.lllfrance.fr. www.mamanfait.org. Donc sur lequel mais également il y a un dossier allaitement. Ça c'est une partie de vos activités. Votre seconde activité, vous avez eu une activité, je veux dire littéraire, où vous avez développé mis un certain nombre d'ouvrages, beaucoup d'ouvrages, je vais dire, hein, dont certains parlent justement particulièrement en ce qui nous concerne aujourd'hui dans notre émission sur l'allaitement. Alors je vais pas tous les citer, les principaux, il y a l'allaitement maternel, la voie lactée. Tous ces ouvrages sont publiés, édités aux éditions Jouvence. Il y a Anthologie de l'allaitement maternel. Il y a également Allaiter, c'est bon pour la santé. L'autre ouvrage, Les 10 gros mensonges sur l'allaitement. Nous en parlerons ensemble, si vous le permettez bien. Et également, Le petit guide de l'allaitement pour la mère qui travaille. Et également, Allaiter plus longtemps. Et donc, je répète, aux éditions Jouvence. Alors, commençons par le début. L'allaitement. Pour l'allaitement, quel est l'intérêt de l'allaitement maternel? Je pense qu'il faudrait plutôt que parler des avantages de l'allaitement, plutôt parler des désavantages de ne pas être allaité, parce qu'en fait, oui, l'allaitement c'est quand même la norme biologique de l'espèce humaine, c'est comme ça que c'est prévu, et donc tout ce qui s'en écarte peut provoquer des problèmes. C'est vrai que souvent les études qui sortent, qui sont innombrables, vont dire le fait d'avoir été allaité diminue le risque de temps pour le diabète, les maladies cardiovasculaires, etc., etc. Mais normalement, ça devrait être plutôt l'inverse. On devrait plutôt dire le fait de ne pas avoir été allaité augmente le risque. Je veux dire, quand on parle, par exemple, je sais pas moi, des problèmes du tabagisme, on dit pas le fait de ne pas fumer diminue le risque du cancer du poumon. On va dire le fait de fumer augmente le risque. Bon. Vous avez raison, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est un aspect, il faut le visionner sous ces angles-là, et vous avez raison que ça change tout. Ben oui, oui, oui, ça change beaucoup de choses. Mais voilà, je veux dire, on a l'impression que quand on dit des choses comme ça, c'est terrible, parce qu'on culpabilise les femmes qui n'allaitent pas, qui ne veulent pas allaiter ou qui ne peuvent pas allaiter. Mais bon, je pense que c'est juste une information, que l'information, tout le monde y a droit. Et après, chacun fait un choix éclairé en ayant eu l'information. Alors donc, au niveau de l'allaitement, pouvez-vous nous rappeler justement quels en sont tous les bienfaits sur la santé? Alors, parlons d'abord de la santé de l'enfant, hein, parce qu'il y a aussi sur la santé de la mère. Sur la santé de l'enfant, vous avez des avantages, disons, à court terme, c'est-à-dire pendant que l'enfant est allaité, une diminution, alors moi aussi, hein, je parle dans ce sens-là, une diminution des problèmes ORL, que ce soit les rhinopharyngites, les otites, etc. Une diminution aussi des problèmes gastriques, enfin les gastro-entérites, etc. Les bébés allaités ont beaucoup moins de toutes ces maladies pendant qu'ils sont allaités. Et vous avez des effets à plus long terme sur la santé de l'enfant et de l'adulte. Une diminution, justement, je parlais du diabète, une diminution des maladies cardiovasculaires, une diminution des cancers, enfin, pratiquement dans toutes les affections, si on fait une comparaison entre une population d'adultes qui ont été allaités et une population d'adultes qui ne l'ont pas été, on voit une différence. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que depuis déjà quand même un certain temps, les études, quand elles s'intéressent à ça, s'intéressent aussi à la durée de l'allaitement. Et on s'aperçoit que pratiquement pour toutes les affections où on voit justement la différence est plus grande si on a été allaité plus longtemps. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle un effet en pharmacologie, un effet dose dépendant. C'est-à-dire, plus on a reçu du lait maternel, plus les avantages sont grands. Avons-nous des chiffres aujourd'hui? Quelle est la moyenne de durée en 2018 d'allaitement, vais-je dire? Ça, c'est difficile à dire en fait. Bon, des chiffres sur le début de l'allaitement, on en a qui sont à peu près fiables. Sur la durée, c'est vraiment plus difficile. Hein. Il y a certaines... alors qu'on pourrait les avoir, hein, parce que normalement, il y a les certificats de santé, 8e jour, 9e mois, 24e mois, qui tous posent la question de savoir si l'enfant est allaité, encore allaité ou pas. Mais en fait, ces certificats, autant le certificat du 8e jour est bien rempli, bien renseigné, autant ceux des 9e mois et 24e mois, c'est un peu n'importe quoi. Mais bon, il y a quand même eu une exploitation des certificats de santé du 9e mois, je crois que c'était en 2013, qui donnait 25% d'enfants encore allaités à 6 mois. Et donc, l'allaitement, je veux dire, en début de... Alors, en début, on est... ça stagne depuis quelques années. On est un peu en dessous de 70% de début d'allaitement. Et quelles sont les recommandations? Parce que vous parliez justement que un allaitement assez long favorise justement le développement, le développement de barrières immunitaires, notamment pour des maladies dégénératives. On voit qu'il y a quand même aujourd'hui, et puis avec l'évolution des sciences, des technologies, on avance, on découvre encore de nouvelles choses. Mais quelle est la recommandation? Parce que moi, par exemple, j'ai une personne qui a allaité jusque l'âge de 3 ans. J'étais d'ailleurs surpris. Les recommandations de l'OMS, hein, et qui sont reprises par le plan national nutrition santé, par la haute autorité santé et tout ça, c'est 6 mois d'allaitement exclusif, puis prolongation de l'allaitement avec des aliments de complément jusqu'à 2 ans et plus. Donc voilà, ça ce sont les recommandations de l'OMS. Mais justement, est-ce que quelque part, il n'y a pas une limite à donner peut-être Non, je veux dire, bon, un allaitement qui se prolonge au-delà de 2 ans, c'est vrai que la plupart des enfants qui têtent au-delà de 2 ans s'arrêtent d'eux-mêmes entre 3 et 4 ans. Est-ce que quelles sont les motivations que vous ayez pu au travers de vos enquêtes, de vos ouvrages, quelles sont les motivations des parents, parce qu'on parlera aussi de l'aspect du côté papa, mais déjà de la maman, de pratiquer l'alimentation au sein. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle veut d'un point de vue physiologique, parce que c'est donner la vie, donc la continuité, c'est nourrir son enfant, c'est cette relation, ou c'est quelque chose, je veux dire, où on recherche un certain plaisir, un échange d'émotions? Je crois qu'il y a les deux. Et puis, on peut commencer à allaiter pour une raison et puis s'apercevoir qu'on trouve d'autres raisons qu'en le faisant. Moi, je sais que personnellement, c'est vrai que quand j'ai voulu allaiter mes enfants, c'était beaucoup pour des raisons justement de santé, etc. Et c'est en le faisant, je me suis rendu compte qu'il y avait bien autre chose au niveau de la relation, des choses comme ça. Puis il y en a d'autres, ça va être l'inverse. Elles vont vouloir allaiter pour la relation et puis se rendre compte que leurs enfants sont en bonne santé. Il y a vraiment... C'est vraiment mélangé, je crois. Alors, il y a une chose aussi importante, je crois, qu'il faut préciser, l'alimentation, parce que en cours de grossesse, on parle de l'alimentation, ne pas consommer d'alcool, ne pas fumer, ça, c'est pendant la grossesse, mais pendant l'allaitement aussi, parce qu'en fait, le corps transforme, je veux dire, les aliments ingérés, passent dans le corps, mais passent aussi dans le lait, c'est bien ça? Plus ou moins, je veux dire... Je crois qu'il ne faut pas non plus dire que si on veut allaiter, il faut mener une vie monastique, faire absolument attention à tout ce qu'on mange et tout. Bon, bien sûr, c'est bien pour tout le monde, hein, à commencer par la mère, d'avoir une alimentation saine et équilibrée, etc. Mais même une mère qui n'a pas une alimentation au top, fait du lait de bonne qualité, et c'est encore ce qu'il y a de meilleur pour son bébé. Alors, on a vu aussi, si on veut faire une différence entre les laits, moi j'ai vu des articles où on parlait justement du lait qu'on trouve à reconstituer des briques de lait d'origine animale. Quelle est votre perception par rapport à ça, vous ? Pas bien votre question là. Oui, il existe du lait à vendre qui est en vente en poudre dans les supermarchés, oui. Dans les là. Donc pour différencier donc du lait d'origine animale, notamment de vache, par rapport au lait de femme, pour faire la différence, quelle est votre appréciation ? Est-ce qu'il est plus digestible ? Je veux dire, si on regarde la composition du lait maternel et des laits en poudre qu'on trouve dans le commerce, c'est bon, bien sûr, dans tous les deux, il y a des protéines, il y a des lipides et il y a des glucides. Mais à part ça, il y a plein de choses qui sont dans le lait maternel et qu'on ne peut pas trouver dans le lait en poudre. Parce que le lait en poudre, bon, ben, c'est un truc un peu mort, quoi. Par exemple, tout ce qui est anticorps, on peut pas les retrouver dans le lait en poudre. C'est pas possible. Justement, alors d'où l'importance aussi la première tétée, parce que dedans c'est là où il y a les anticorps principalement au départ pour immuniser l'enfant vis-à-vis des agressions extérieures, hein, qui s'appelle le colostrum. Hein, c'est bien. Donc, alors quelles sont ces vertus de ce colostrum et du lait maternel ? Ben, le colostrum, justement, comme vous l'avez dit, c'est un concentré d'anticorps. Hein. Des anticorps, il y en a dans tout le temps de l'allaitement dans le lait. Hein. Mais c'est vrai que dans le colostrum, la concentration est particulièrement importante. Hein. Il y en a qui ont appelé le colostrum un vaccin naturel. Donc c'est vrai que ce serait même bien, même les femmes qui ne veulent pas allaiter, de donner le colostrum. Rien que le colostrum, ça serait déjà sûrement très important pour leur bébé. Aujourd'hui, on voit, vous disiez le colostrum, que c'est très important. La suite de l'alimentation derrière du bébé à long terme, on va dire, hein, sur une durée quand même assez longue. Mais justement, au fur et à mesure, comment se passe, la composition chimique, si on peut dire, enfin chimique, analytique du lait. Il y a le colostrum. Donc petit à petit, cette composition change pour apporter des compléments alimentaires, des éléments alimentaires pour l'enfant. Vous avez après le colostrum, vous avez ce qu'on appelle les transitions, qui est justement en transition vers le lait mature au bout d'une quinzaine de jours. Et après, vous savez, ça change plus tellement. Je veux dire, c'est du lait maternel. On a l'impression effectivement que le lait va s'adapter à l'âge du bébé, mais en fait, du lait pour un bébé de 3 mois, c'est la même chose que pour un bébé de 6 mois ou de 9 mois. Alors, oui, donc pour 3 mois, 6 mois, ça reste, vous dites, d'accord. Oui, puis oui. Après, arrive l'alimentation. C'est comme, je veux dire, quand vous achetez du lait de vache, vous ne vous dites pas, est-ce que le veau, oui. Le pauvre veau, il ne tète pas, mais est-ce que la vache a accouché depuis 3 mois ou 6 mois Non, je veux dire, c'est du lait de vache, et puis voilà. Oui, d'accord, mais disons que c'est important pour nos auditrices et auditeurs de savoir un petit peu, d'avoir des précisions, c'est d'où l'importance de notre émission, d'apporter des informations par rapport à cela. Et donc, à partir de quel âge que vous recommandez, justement, après de passer à une alimentation, je veux dire que complémentaire, par exemple, des bouillies, des choses comme ça? Ben, comme je vous ai dit, les recommandations de l'OMS, c'est 6 mois d'allaitement exclusif. Donc, c'est autour de 6 mois. C'est pas juste 6 mois pile. Oui, bien sûr. La veille, non, rien, et puis le lendemain, si. Mais c'est autour de 6 mois qu'en général, la plupart des bébés commencent à s'intéresser à l'alimentation solide et commencent à goûter par-ci, par-là. Mais au début, c'est souvent juste vraiment pour goûter. Hein. Ils ne font pas des repas tout d'un coup, matin, midi et soir. Mais c'est autour de 6 mois en général que que ça se passe. Ouais. Et alors, il y a des femmes qui refusent d'allaiter. En général, quelles sont les motivations? Ben, il y a les contraintes, vous allez me dire, de la société, du travail, mais en général, celles qui ne veulent pas ou qui allaiter, quelles en sont un petit peu les raisons? Vous avez essayé d'identifier? Oui, il y en a plusieurs. Il y en a, par exemple, qui s'imaginent absolument pas avoir un bébé, la bouche d'un bébé sur leur sein. C'est quelque chose de physique qui fait que c'est pas envisageable pour elles. Il y en a qui, par pudeur, se voient pas allaiter en présence de tiers. Donc, elles se disent, c'est pas possible, je vais pas pouvoir sortir, etc. Il y en a effectivement qui n'imaginent pas non plus être quand même assez disponibles à l'enfant, hein, parce que le faire, on peut pas le faire donner par quelqu'un d'autre, a priori. Ah oui, il faut une certaine disponibilité aussi. Voilà, oui. Enfin, au moins les premiers temps. Oui. Après, on peut éventuellement, notamment si on reprend le travail, quand le bébé est gardé, en général, selon son âge, s'il a moins de 6 mois, il va avoir des biberons. Alors, il y a l'idée aussi, il y avait certaines personnes, il y a eu des enquêtes qui ont été faites en disant que par rapport à la beauté du corps et notamment que l'allaitement allait apporter une déformation des seins, oui, cet aspect-là. A priori, c'est faux. Il y a même eu des études, il y en a une qui est parue par exemple dans une revue de chirurgie esthétique américaine et qui avait étudier toutes les raisons pour lesquelles on pouvait avoir des seins qui pendent à un certain âge. Et donc, il y avait dans les raisons, il y avait des gros seins au départ, des régimes très drastiques, le tabagisme, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre, et il était dit l'allaitement n'avait aucun effet là-dessus, même un allaitement long. Maintenant, parlons, si vous permettez bien, Madame Claude Didier-Jean Jouveau, de l'aspect, je vais dire, côté masculin des choses. En général, comment est perçu par le mari, le conjoint, l'allaitement, l'envisagement de l'allaitement? Est-ce que c'est quelque chose qui le stresse, qui le met dans le doute, en général, comment ça se passe-t-il? Ben, là aussi, il y a un peu tous les cas de figure. Il y a le papa qui est un peu jaloux, hein, que ce soit le bébé qui ait l'utilisation des seins de sa femme. Il y a le père qui est jaloux de ne pas pouvoir nourrir le bébé. Il y a tous les cas de figure. Après, bon, je pense que de toute façon, comme je dis, on ne peut pas allaiter contre le père. C'est pas possible. En général, ça marche pas très longtemps. Donc, les gens que je rencontre, moi, ce sont des femmes qui allaitent et qui allaitent effectivement souvent un peu longtemps. Et en général, dans ce cas-là, elles ont un soutien total du père. Qui, même si au départ, il se disait « Oh, ce serait quand même bien que je puisse donner de temps en temps un biberon, etc. » se rendent compte à l'usage que finalement... Il y a plein d'autres choses qu'ils peuvent faire avec le bébé pour avoir un contact très proche et que c'est pas nécessaire finalement de...